Bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Vous allez apprécier cette heure pleine d'allégresse, de joie, etc. A contrario de ce que le professeur voulait faire. Il était parti dans un truc noir, là, qui se passe la nuit, des gens qui se rencontrent, des bruits de pas, personne ne se voit, enfin des trucs super glauques, chelous. Bon, j'ai dit non, c'est bon, on va peut-être essayer d'un peu d'ambiancer, de faire en sorte que les gens, ils sortent pas déprimés de la machine à son ou qu'ils coupent pas le poste pour aller faire des cauchemars toute la nuit. Soyons un peu dans la joie, le bonheur, la gaieté. Alors après, bon, hein, on va pas faire le cinéma, on vous a pas sorti non plus tous les morceaux qui parlent de joie, de bonheur, de gaieté, il y aura pas forcément que ça, mais on va essayer de tendre là-dedans, de faire en sorte que voilà, ce soit de temps en temps vif, histoire de vous réveiller un peu, voilà, avec entrain et bonhomie, et puis après des petits moments plus calmes, voilà, une espèce de un pot pourri, on va dire, de truc du professeur, voilà, ça peut être intéressant. Il n'avait pas franchement d'autres idées à part le truc de la glauquitude de noir, un truc dans le genre, je sais plus quel nom il avait trouvé. Donc on gardera ça sur le coude parce que ça peut être intéressant dans un moment d'extrême bonheur, peut-être que ça peut être intéressant de faire une émission où on fout un peu le blues à tout le monde, pourquoi pas, mais il y a du sport quand même. Donc voilà, ça va être une émission assez tranquille, alors je l'espère, parce que bon, il y a du changement dans le matériel, il y a du matériel de remplacement, bon, qui est un peu du matériel à l'ancienne, ça va être compliqué, parce que c'est comme un peu tricoter avec une seule main, voilà, c'est pas très simple. Donc vous inquiétez pas, s'il y a des trucs chelous qui se passent, de toute façon, je vous en ferai part, je vous expliquerai ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Et puis voilà, comme ça, ça fera un petit moment de détente, un peu comme si on était à la maison, là, vous êtes autour. Et puis moi, je suis là à mettre mes disques, et puis voilà, il se passe des trucs. Voilà, c'est un peu le côté convivial. Voilà, et le faire ensemble, c'est trop bon quand même. Allez, commençons par un petit peu de sport. Gymnopédie. Ah oui, avec les pieds. Gym avec les pieds. Un truc comme ça. Thank you. time I see you smile that I'm happy for a while. I cry till you go to bed, or else I will kill myself. I put you up around my neck. Are you ready, darling? All right, then. Come in. Come on in. I'm not a loser. moi aussi, I'm cramped. Et ouais, avec cette platine, je vous l'avais dit, c'est pas simple, hein, parce qu'en fait, il faut que j'ai trouvé un système. En fait, je bloque avec le doigt, et donc ça fait que j'ai une main prise. Je vous parlais tout à l'heure de couture à une seule main, et ben c'est ça. Après, je mets le reste, et hop, à un moment donné, je lâche mon petit doigt, et ça marche. Jusque là, on va dire, tout va bien. Allez, reprenons espoir et mangez des bananes. Machine à son et le professeur danse sur la table. C'est dingue. We'll be right back. Time he starts his dirty act jumping around. The Ripper, Jack the Ripper. When he walks down the street, every girl he meets, he says, "Is your name Mary Kelly?" Ripper, Jack the Ripper. The Ripper, Jack the Ripper. Well, Scotty, I'll never catch him, cause he's a much too clever. He's much too clever. But if they do man to get the never far from safe. The Ripper, Jack the Ripper. Whenever Jack the Ripper ever shows his face, the Ripper, Jack the Ripper. So all you pretty girls better take my advice. The Ripper, Jack the Ripper. And don't walk the streets of London late at night. The Ripper, Jack the Ripper. Cause when he walks down the street, every girl he meets, he says, "Is your name Mary Kelly?" I will slice you into little pieces and throw you to the crowd. I will cut you up into ginormous lumps of meat. so was in a bad condition. Just the other day I saw a group of little children trying to ride a school bus. By them being of a different nationality, they weren't allowed to ride the bus. And I imagine if you would ask them about this matter, they would have a word like this to say. Why am I treated so bad? Difficile de mettre un morceau après ce morceau, donc je fais une petite parenthèse. Bon, de toute façon, on arrive bientôt à la fin, donc la parenthèse pas tarder à tomber. Mais en attendant, une petite valse du chocolat aux amandes. Petits et grands, ça sent le final, ça sent la fin, avec l'excellent Stockhausen and Brockman, musique étrange et bizarroïde, et très, comment dire, proprement inspiré. Voilà, on va baisser un peu, mais c'est pas le bon en fait, depuis, ça a quand même une catastrophe technique aujourd'hui un peu quand même. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Hein. De toute façon, hein, si vous écoutez encore la machine à son, c'est que la technique, c'est pas non plus ce qui vous empêche de dormir la nuit, quoi. Voilà, vous êtes pour le vrai, le pur, le cru. Donc ce soir, vous avez écouté pas mal de trucs. J'ai pas trop eu le temps de tout noter. Bah oui, parce que voilà, tricoter une émission à une seule main, c'est quand même pas simple. Et, mais bon, vous avez entendu là derrière, donc Stockhausen & Brockman. Juste avant Patricia Escudero, la valse du chocolat aux amandes. Les Staple Singers, Stockhausen & Brockman aussi. Et oui, bah, j'ai utilisé pardon, plusieurs fois. Il y a eu les Misfits, un groupe étrange qui s'appelle IT. Voilà, avec un morceau un peu clavier très rapide là. Mais ça m'a servi à faire des conneries dessus. Mulatu Astatke, superbe musique éthiopienne. Yui avec son banana, très très bien, ça a mis un peu une demi-heure funky. Les Cramps dans la demi-heure moins funky. Dr Nico with the African Fiesta, alors ça, superbe reprise de Save Me. Je pense que bah voilà, si vous connaissiez les originales, et ben là ça vous a retourné. Et oui, Dr Nico, un pote du professeur à bicicleta. Vous avez eu aussi quoi d'autre? Attendez. Voilà, les Cramps, vous avez eu ça, je l'ai dit. Bah oui, je l'ai dit. Amid and the Sniffer. Herbie Hancock, c'était un peu chiant, donc on l'a un peu flingué. Je me dépêche, il me reste pas de temps. Faut que je lance le truc, mais c'est dingue. Bon, bah tant pis, vous saurez pas ce qu'il y avait dans la machine à son ce soir. Bonne nuit. I'm